Sais-tu que la raison me pèse lorsqu'hiver d'air et de lumière, j'entends rouler comme une pierre le soleil au tambour de braise. La nuit, la vallée le dissout, cachant la lune au firmament, noyau d'argent, regard fou, l'horizon soupire et l'attend. Sais-tu que la folie nous guette, elle nous invite à la fête. Oui, là-bas, la folie nous guette, là-bas déjà, elle s'apprête. Le temps passe hachant les mémoires et les moissons de souvenirs nourrissent ceux qui peuvent y croire, trompant leur fin de l'avenir. Sais-tu que la raison me pèse lorsqu'ivre d'herbe et de musique, je suis dans sa course amnésique, la lune épousant la falaise. Le jour efface et se déploie, vierge éventail où l'ombre seule inscrit les heures et puis se noie, l'horizon broie comme une meule. Sais-tu que la folie nous guette, là-bas déjà elle s'apprête. Oui, là-bas la folie nous guette, à chaque pas de notre quête. L'instant à chaque instant s'oublie, quittant l'habit de la raison, l'imaginaire écrit la vie à toute heure en toute saison. Sais-tu que la raison me pèse lorsqu'ivre de tout et de rien, j'entends la nuit hurler un chien comme un dieu soufflant sur la glaise. Dérisoire, absurde et dément, le fil du temps est un rasoir sur lequel dansent les enfants et l'horizon n'est qu'un miroir. Sais-tu que la folie nous guette à chaque pas de notre quête? Oui, là-bas, la folie nous guette entre les dieux, l'homme et la bête. Dérisoire, absurde et touchant, la raison même est un mystère que seule la folie comprend, l'âme ne peut vivre qu'entière. Sais-tu que la raison me pèse lorsqu'ivre de mots et de rimes, je m'avance au bord de l'abîme, battant l'aile sur la falaise. Tant pis si j'y laisse ma plume, je veux danser sur le soleil, je veux bondir jusqu'à la lune, rêver encore à mon éveil. Sais-tu que la folie nous guette entre les dieux, l'homme et la bête? Oui, là-bas la folie nous guette, même si la raison s'entête. Rêver chaque jour un peu plus, franchir d'un frisson la frontière et revenir de l'inconnu, contrebandier l'imaginaire. Si parfois la raison te pèse lorsqu'ivre de rêve et de vie, tu voudrais que le temps t'oublie et que ton cœur enfin s'apaise. Si parfois la raison te pèse lorsqu'ivre de rêve et de vie, tu voudrais que le temps t'oublie, souffle ton rêve sur la glaise. Car là-bas, la folie nous guette, entends-tu chanter à tue-tête. Ami, si la folie s'apprête, c'est pour nous mener à sa fête. Ami, si la folie est prête, fais-lui signe qu'elle s'arrête. Ami, si la folie est prête, fais-lui signe qu'elle s'arrête.